aime le calme de son monde, bien rangé et stable. Avec méthode, il fait sa ronde, nettoyant ce qui lui paraît sale. Il avance étape par étape, inspecte chaque parcelle, ausculte et rafistole pour que tout ait l'air impeccable. Dans les salles de sa demeure, ainsi que dans ses couloirs blancs, une constante crispation au cœur, car il se repose rarement. Il traque les souillures, poussière ou moisissure, ne supportant pas que son bel univers puisse être sujet à l'usure. Rassuré par ce rôle essentiel qu'il considère comme sa mission, dans les dédales de dalles parallèles qui structurent son champ de vision, tout y est contrôlé, méticuleusement équilibré. Des corps ouateux immaculés, aseptisés, bien calibrés, dans les vapeurs douces anesthésiantes de produits d'entretien, combien de jadeurs ou d'années d'errance. Il ne sait plus très bien, l'extérieur n'étant que salissure, sa seule issue, la solitude. Silencieux, il s'y sent mieux, personne ici ne sollicite. Bien sûr par cœur, chaque pas qui parsème son parcours. Il a fait tellement d'efforts pour qu'ici si le hasard ne voit pas le jour. Il s'apprête encore une fois à terminer son inspection, bien heureux que rien n'ait changé dans sa parfaite habitation. Quand, soudain, par terre il voit une trace, son visage se glace, est-ce un mirage, une farce? Une si large crasse, quel abominable garce. Interloqué, il s'agenouille, respire puis la regarde. Son sang s'épaissit et c'est sans réfléchir qu'il se met à frotter, frotter, dominé par la frénésie. Il perd la tête et gratte le sol, ses ongles rient sur le carrelage, mais son ardeur, sa hargne folle, rendant sa figure écarlate. N'efface pas la tâche, il flanche et s'effondre par terre, écrasé par le poids de cette ombre portée. Sa propre ombre qu'il n'a pas supportée.